Mon estépi par la queue de la nuit, il m'a fallu des mois, pas des années. C'est quoi le prix? Je me permets de rodka qui va parler. Je suis avec des R sur le bar. King, fais pas le foot, je vais manger le bar. Ok, on rentre dans ta boîte et je rappe deux. Puis à la fin, on discute pour 5. On perd 1-0 à domicile. Photo, je rate le pénal. Y'a des paillettes sur le texte. Chill, avant y'avait des trous sur le Joe. Ging, on est vrai, de vrai, de vrai. Le premier qui parle, on le traîne, gros. Reste pas trop près. Le deuxième qui parle, on l'enterre, gros. J'ai les deux pieds dans le check carré, moi je me balalade. J'éclate un gros pétard et je rôde dans tout Paname. Tu penses pouvoir me la mettre, raconte pas tes salades. Hey. D'ailleurs, raconte pas ta vie, tout le monde s'en fout de ta life. Bref, donc je te disais, le charbon dans la tête m'a permis de tout baiser. La daronne est fière que son fils soit ce qu'il est. Merde, j'ai délaissé la street pour briller. Tu sais pas ce qui se passe dans ma tête, le premier qui parle, on le traîne. Tant que bleu, je faisais des pertes, des bleus du jaune et du vert. Je fais ceux qui parlent beaucoup, je m'éloigne de ceux qui partent en couille. Tu veux quoi de plus, frérot, t'as tout. Tu bouges ta tête comme un con, là, juste mets des trois points dans le trou. Connu de Paname jusqu'en Suisse, et je roule un gros. Tu dégages ou tu nous. J'ai les deux pieds dans le check carré, moi je me balade. Je déclare un gros pétard et je roule dans tout Paname. Je pense pouvoir la mettre à compte, pas tes salades. D'ailleurs, raconte pas ta vie, tout le monde s'en fout. Y'a cric-cric sur le détail. Tu fais un trou, tu vois les flammes. Et quand tu bétons, ça fait mal. On te rafale ta mère et on dit bye. Papa, on veut toucher le sommet. Dans la sacoche, y'a le semi. S'il te plaît, va danser ailleurs, là c'est pas Stépine. Je suis sur l'album et je vais pas me stopper. Ils veulent un feat, en plus ils me supplient. J'ai pas trop visé, donc reste pas trop près. Je viens tout rafaler, y'a pas de surprise. Et sur la tête de ma mère, en perte quand les frères sortent en perte. Je fous la merde des terres, laisse-le moi, je vais me le faire. Et ça fait bang dans sa tête au cas où si ça dégénère. Je suis au studio, je suis sur l'album et sur les nerfs. N'écoute pas ce qui se passe à la télé. Y'a trop de comédiens sur internet. Rapper comme vous, je le fais exprès pour vous montrer que je la mets en pleine tête. On est vrai, de vrai, de vrai. Le premier qui parle, on le traîne, gros. Reste pas trop près. Le deuxième qui parle, on l'enterre, gros.